Sister, won't you love me? But when I sleep, I just woke up the boy down. Oh, sister, won't you love me? What I need is over. Won't you love me? You're my home. Thank you. In Monte Ut Solis Radio thank you. Thanks. Thanks. It was awesome. You are great. Prophet. Oh, yeah. You have to keep it on being like. You gotta keep on being like. You gotta keep on being like. Obrigado. Thank you. Obrigado. Bien sûr, mais dès que c'était là-bas. Merci. pajamas. I'll be back. I'm back. Thank you. Château de Kafka, c'est la même chose qu'à Brasilia. Dans le château de Kafka, je ne fais pas grand cas du ghetto qui avec Bolsonaro au pouvoir. Je veux pas de dampot ni d'ambo. Corruption systémique. Je ne fais pas cas du ghetto. C'est pas qu'à du texto. Oh, le thème de la métamorphose. Non, j'ai On peut faire un cours aussi sur la République française, exemplaire à tous les niveaux. Universel. Heaven. I'm in heaven. I'm in heaven. It's a stained one. But it's quite a journey is heaven. It's a journey you want, yeah, it's a taint. Taint one. Avec is un double heaven. Frigo. Que puis-je attendre? Que puis-je attendre de plus? En changeant de suite d'accord, je suis d'accord pour continuer pour. Déstructurer ce morceau. Château de Kafka quand même. Si Kafka avait pu aller sur la plage. Kafka, ne te transforme pas en scarabée tout de suite. S'il te plaît, attends. Car ha Avec de bonnes intentions. L'enfer, c'est les autres, on le savait depuis. N'oublions pas qu'on va devoir se partager les arènes romaines. Les bonnes intentions. une seule caresse, je te fais briller de tout ton éclat. Bouche gourmande des couleurs et les baisers qu'il dessine. Flamme, feuille, l'eau langoureuse. Une aile les tient dans sa paume. Un rire les renverse. D'une seule caresse, je te fais briller de tout ton éclat. D'une seule caresse, je te fais briller de tout ton éclat. Encore des bouches gourmandes et les baisers qui les dessinent. Encore des flammes, feuilles, l'eau. Encore langoureuse. Une aile les tient dans sa paume. Un rire les renverse. D'une seule caresse, te fait briller de tout ton éclat. Nos yeux se renvoient la lumière. La lumière, le silence. Est-ce que risque à score à ne plus se reconnaître, à survivre à l'absence. D'une seule caresse, je te fais briller. Éclat. De tout ton éclat. Jusqu'à dire ça. Yeah. My wife is a bit more, yeah, we are. Try it. Occupation du terrain. Pas de capitale de la douleur. Quand de nos jours nous voyons les noces de la guerre avec la vertu. Le territoire. Mano negra, mano blanca. Pas de capitale de la douleur, mais d'une caresse. Je te fais briller ton éclat. Ton nec. Au pied des Pyrénées, dans le Piémont, un peu trop loin de l'océan pour entendre les vagues. Oh, il faut accorder ça. Il faut accorder. Franchement, Euskadi, moi je